suis seule des fois. Quand mes amis ne sont pas là, je prends mon koala dans mes bras. Il valse avec moi. Quand je suis seule aussi, quand je